Tu vas te cacher pendant les deux premières mesures, mais après tu vas jubiler. Je veux t'entendre crier, chanter, à tue-tête. Bref, non, nous disions donc. C'est un tube. Florian, c'est un tube, ne fera pas fausse route. Sont sur un film et nous on n'a pas peur du vide. Nos idées semblent claires et limpides. Alors on prend un bol d'air plein de vie, un bol d'air plein d'envie en ignorant la peur du vide. L'existence est fragile, elle peut se couper comme un fil. Alors on prend soin de chacun sans penser à demain. Et il paraît que les meilleurs partent en premier. L'existence est fragile, elle se coupe comme un fil, alors on prend soin de chacun.